Nous allons retrouver maintenant la chanson du Rhône, qui chante également une prière, car le Valais, ce haut pays du Rhône, mêle des douceurs méridionales aux âpretés du septentrion. Le nord et le midi s'y heurtent avec violence. Le feune des Alpes dessèche la terre des vignobles et des vergers. Le ciel a des caprices étonnants qui fait surtout pleuvoir au moment des fenaisons. Alors, l'âme populaire tente de l'intéresser aux nécessités paysannes et vigneronnes. Elle le prie tantôt pour la pluie, tantôt pour le soleil, au gré des exigences des cultures. Elle invoque en patois la bonne mère pour l'amant perdu. La paysanne égrène comme un rosaire la complainte de ses peines. C'est cette complainte que nous allons entendre. Shadow de Jean d'Edviller et Aloïs Teta. Interprète la chanson du Rhône, soliste Anne-Marie Vic. Shadow, shadow protect.